إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يعني on va commencer donc le cours numéro 5 aujourd'hui dans l'explication du sharh de al-usul al-thalatha, les trois fondements de la religion. Et on est arrivé donc à l'explication de maintenant, l'explication là où le cheikh dit « Wa ma'rifatu din al-islam bil adillah ». Donc la parole qu'on est en train d'expliquer, c'est l'introduction. « I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail al-oula al-ilm wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu din al-islam bil adillah ». Donc, sache que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire, qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre choses. La première chose, c'est d'avoir l'ilm. Et l'ilm, ça consiste en quoi? Ça consiste à connaître Allah, à connaître son prophète, connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Donc, ça c'est le premier des quatre points. Ensuite, الثاني, العمل به. Le deuxième, c'est de l'appliquer cette connaissance. والثالث, الدعوة إليه. Troisième point, c'est, une fois qu'on a appliqué, d'appeler les autres, d'inviter les autres à l'appliquer. والرابع, الصبر على الأذى فيه. Faire preuve d'endurance face à toutes les difficultés et les ennuis qu'on risque d'avoir lorsqu'on appelle à la vérité. Donc, maintenant, on va expliquer ce troisième élément dans le premier point qui est de connaître la religion de l'islam avec les preuves. Au dernier cours, on a expliqué le fait de connaître notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon résumée. Maintenant, le cheikh, il dit, donc, pour expliquer cette parole, il dit « Amma ». وأما معرفة دين الإسلام بالأدلة فهذا باب واسع لأن دين الإسلام يندرج تحته جميع التكاليف القولية والفعلية والظاهرة والباطنة فإذا أطلق دين الإسلام فهو شامل لكل ما كلف الله به عالم الإنس والجن من الفرائض والواجبات والمنهيات وغير ذلك من التكاليف الشرعية التي خلق الله من أجلها عالم الإنس وعالم الجن ولذلك قال الله في حقه إن الدين عند الله الإسلام فحصر ما تدين به الأمة خالقها وبارئها في الإسلام أي في جميع تعاليم الإسلام التي أتى بها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Il dit ça, c'est un chapitre qui est très vaste. C'est un point qui est très très vaste, puisque c'est de connaître la religion en entier. Tout ce qui est comme obligation et ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les paroles ou dans les actions qu'on doit accomplir dans l'islam, ou qui sont recommandées par l'islam, ça rentre dans le terme d'in, ça rentre dans le terme de la religion. Et que ce soit des paroles ou des actions extérieur, c'est-à-dire faite avec le corps, prononcée avec la langue, qu'on peut entendre, ou bien intérieures, c'est-à-dire des actions du cœur et des, également des paroles du cœur. Donc, tout ça, lorsqu'on mentionne ad-din, ça comprend tous ces aspects-là, toutes ces questions-là. Donc, ça comprend tout ce que les hommes vont appliquer dans la religion comme obligation, comme le fait de s'abstenir de tout ce qui a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux hommes et aux djinns de ces choses-là. Et ainsi que toutes les autres règles de la sharia qui ont été ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala aux hommes et aux djinns. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de la religion que c'est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala a choisie, c'est l'islam. C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ad-din 'inda Allah al-islam. Et il a fait en sorte que la chose que l'être humain doit utiliser comme moyen pour se rapprocher à lui soit uniquement l'islam. Et c'est d'appliquer justement les enseignements de la religion en entier qui ont été amenés par le messager de l'islam, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وأخبر الله عز وجل أنه من أراد أن يعبد الله بدين غير دين الإسلام فعبادته باطلة وقوله مردود. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فخسر المبطلون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يدعون بأن لهم شرائع لا بد أن يقيموا تلك الشرائع وتلك العبادات التي يدعون بأنهم مأمورون بها في التوراة والإنجيل ويدعون أن هذا القرآن إنما أنزل على العرب فهو خاص بهم غير شامل لغيرهم هذه دعوة باطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة بذكر عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. Donc, le Cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué que celui qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala par autre chose que l'islam, eh bien son adoration sera fausse et elle sera rejetée et refusée. Allah ne voudra pas l'accepter, cette adoration-là. Et il mentionne le verset 85 dans Sourate Al-Imran à ce sujet-là, qui est tellement clair que personne n'a besoin d'un tafsir même pour le comprendre, tellement il est clair. Tout le monde peut le comprendre s'il connaît la langue arabe. Le verset dit, et quiconque recherche autre que l'islam comme religion, ça ne sera pas accepté de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc, les juifs et les chrétiens aujourd'hui qui prétendent par exemple avoir d'autres principes ou d'autres règles religieuses qu'ils suivent et ils prétendent être ordonnés de respecter ou d'appliquer ces règles-là en se basant sur la Torah ou l'Injil, et ils prétendent que le Coran qu'on possède est uniquement ordonné aux Arabes, c'est-à-dire à ceux qui étaient dans le shirk à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les tribus des Arabes comme Quraysh et les autres, et que les autres qui sont chrétiens ou juifs, eux, ils sont pas ordonnés de rentrer dans l'islam, ça c'est complètement faux et c'est réfuté justement par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans plusieurs versets dans le Coran que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un message qui est général et qui est pour toute l'humanité, qui est universel. Cette da'wa, cette religion, l'islam, c'est une religion universelle. Il n'y a pas, c'est pas pour un peuple en particulier, ou pour une couleur en particulier, ou pour une langue en particulier, mais c'est pour tous les hommes, et même pour les djinns. Hein? Donc, de prétendre que ces gens-là sont exclus de l'ordre, ou de l'obligation de respecter ou de suivre les ordres de l'islam et de ce qui est dans le Coran, et dans la sunna, ça c'est une fausse prétention de leur part, et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a complètement rejeté et annulé cette fausse prétention de leur part en disant que si le prophète Moïse alayhi salam était vivant, il n'aurait pas d'autre choix aujourd'hui que de me suivre. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu abroger tout ce qui était pratiqué auparavant comme religion. Et donc ça, c'est très important de le comprendre. Parce qu'il y a actuellement des groupes parmi les musulmans ou des individus qui prétendent que les juifs et les chrétiens sont des croyants. Et qu'on n'a pas le droit de dire à leur sujet que ce sont des gens qui font du shirk ou des mushrikoun ou que ce sont des koufars. Et ça, c'est totalement incorrect et c'est totalement faux. Et surtout, parfois, on entend ça de la part des gens qui sont convertis ou qui sont nouveaux dans l'islam. Et tu les entends dire, par exemple, non, il ne faut pas dire des juifs et des chrétiens que ce sont des koufars. Alors, dans ce cas-là, hein, moi, étant donné que moi-même, je suis un converti, alors j'ai toujours dit à ces gens-là, si c'est le cas, alors pourquoi on devient musulman? Si les juifs et les chrétiens sont croyants, pourquoi on devient musulman dans ce cas-là? C'est complètement ridicule. Hein? Et donc, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié et il nous a expliqué qu'est-ce que c'est la différence entre la foi et qu'est-ce que c'est la différence entre la foi et la mécréance et entre l'idolâtrie et le shirk et le tawhid et l'unicité d'Allah. Et il nous a expliqué que les juifs et les chrétiens sont des gens qui commettent le shirk sur différents degrés, différents niveaux de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ. C'est-à-dire, ceux qui ont dit que Dieu est le troisième du trois, ils ont mécru. Hein, ça c'est dans Surat Al-Ma'ida. Ils ont rejeté la foi. كَفَرَ, لَقَدْ كَفَرَ. Ça veut dire, ils ont mécru, ils ont rejeté la foi. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحَ ابْنُ مَرْيَمَ. Ils ont certes mécru ceux qui ont dit que le Messie, Isa, Ibn Maryam et Allah. Et ça, ça fait partie de la aqida des chrétiens qui prétendent que Dieu s'est incarné en l'homme hein, et qu'il s'est fait chair et qu'il est devenu une part en Jésus, ou qu'il s'est incarné en Jésus. Et ils disent, quand ils prient par exemple, ils prient à Jésus, ou bien ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Hein? Ils ont donc associé Jésus à Dieu. Et ça, c'est du shirk. C'est du shirk dans ar-rububiyya. C'est du shirk dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça, ça fait partie des formes de kufr. Également, sans, ils prétendent que c'est le fils d'Allah. Ils prétendent également que c'est le fils d'Allah. Et ça aussi, c'est kufr en soi. Hein? Si quelqu'un dit juste, yani, Isa, c'est le fils d'Allah, il est kafir. Si quelqu'un, si un musulman dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le fils d'Allah, il devient kafir aussi. Hein? Même s'il ne dit pas que Isa est le fils d'Allah, s'il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le fils d'Allah, ou bien que un autre prophète parmi les prophètes il dit que c'est le fils d'Allah, il devient kafir aussi. Hein? Parce que ça c'est du shirk, d'associer, d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un fils. Donc ça c'est des exemples. Ou bien même juste de, le fait de faire ce qu'ils font, par exemple, comme adoration pour Isa ibn Maryam. Le fait de, quand ils prient, par exemple, de se mettre à genoux devant une croix, ça c'est du shirk en soi. Ou de se prosterner devant la croix, de prier à genoux et d'invoquer, de demander à Jésus la guidance ou le salut ou autre chose de ce genre. Ça c'est de l'idolâtrie. Hein? Ou le fait de demander la protection à Isa ibn Maryam. Ou bien à Maryam elle-même. Hein? Ça, c'est du shirk en soi. C'est d'associer avec Allah dans l'adoration. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Allah a ordonné que tu n'adores que lui. Donc, ça veut dire si tu adores d'autres avec lui, tu as associé avec lui dans l'adoration. Hein? Et tu vois, par exemple, les chrétiens, ils ont une prière qu'on leur apprend ça depuis leur toute enfance. Il y en a, moi-même, je me souviens quand j'étais jeune, on me l'a appris. C'est Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Ça c'est un grand exemple de shirk dans la religion des chrétiens. Premièrement, ils attribuent à Dieu une mère. Ça c'est kouf. Allah subhanahu wa ta'ala dit lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré non plus. C'est-à-dire, il n'a pas d'enfant, il n'est pas le fils ou l'enfant de quelqu'un d'autre. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Hein? Donc, mère de Dieu. Et en plus, après ça, il dit, priez pour nous, pauvres pécheurs, alors qu'elle est morte. رَحِمَهَا اللَّهُ. Hein? عَلَيْهَا السَّلَامُ. Elle est décédée déjà. Donc, elle ne peut pas prier pour nous. Et elle ne peut rien faire pour nous, elle ne peut rien faire pour elle-même. Comment pourrait-elle faire quelque chose pour quelqu'un d'autre? Donc, tout ça, c'est des exemples de shirk qui sont pratiqués chez les chrétiens. Hein? Et la même chose aussi chez les juifs. Ils ont une série de saints, hein, et les chrétiens aussi, ils ont une série de saints qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont à leur tombe et ils leur demandent l'intercession ou ils leur demandent l'intermédiaire. Ils les prennent comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala et ils leur offrent différentes formes d'adoration. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Tout ça, c'est shirk. Hein? Donc, non seulement ils n'ont pas cru au Coran, non seulement ils n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et si ce sont des juifs, ils n'ont pas cru non seulement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également ils n'ont pas cru en Isa ibn Maryam, et ils n'ont pas cru en Al-Injil, en plus. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont kufr, hein, qui font que quelqu'un n'est pas croyant. Et bien, en plus de ça, donc, ils ont rajouté à ça des fausses croyances. C'est pour ça que quand quelqu'un, par exemple, parmi les chrétiens ou parmi les juifs, veut accepter l'islam, il doit non seulement affirmer qu'il croit en le Coran et la Sunna, mais rejeter tout ce qui est faux, comme fausses pratiques et fausses croyances qui sont enseignées par les religions du christianisme ou du judaïsme. Ça, c'est essentiel et c'est fondamental. Et comme j'expliquais la dernière fois, souvent, par exemple, on mentionne aux chrétiens, ou on dit des chrétiens, par exemple, ou des juifs, que leur livre a été falsifié, et ça, c'est mentionné dans le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala clarifie que leur livre a été changé, hein, il n'est pas resté authentique. Mais dans cette parole qu'on vient de lire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que même si le prophète Moussa alayhi salam était vivant, c'est-à-dire même si la Torah était authentique 100%, qu'il n'y a rien de changé dedans, eh bien on n'aurait pas d'autre choix que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de suivre ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, hein, et non pas de se référer à autre que ça. Donc ça, c'est en ce qui concerne la question de connaissance de la religion. Et de toute façon, tout ce qu'on va expliquer dans ce livre, justement, c'est d'expliquer la religion de l'islam en entier, dans tous ses aspects. Donc ça va être élaboré et clarifié au fur et à mesure, Inch'Allah, qu'on va avancer dans le livre. Ensuite, l'autre point, qui est le deuxième point dans les éléments, parmi les quatre éléments que le cheikh a mentionné, hein, c'est al-amalu bihi. Al-amalu bihi, c'est-à-dire, une fois que tu as cette connaissance, tu connais Allah, tu connais son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tu connais sa religion avec preuve, et bien maintenant, le deuxième aspect, c'est maintenant tu dois l'appliquer. Hein? Donc, le cheikh, il dit, al-mas'alatu thaniya, al-amalu bihi, ay bil-ilm. Wa hadhihi min al-masail al-muhimma, li'anna al-amala thamaratu al-ilm. Faman alima wa lam ya'mal, بعلمه فهو آثم عرض نفسه لأعظم الخطر كمثل اليهود ومن تشبه بهم ويترتب على فعله أشد الوعيد قال ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى للشيخ الزي. Le deuxième point, donc, c'est l'application de la religion. Donc, après avoir la science, donc ça c'est une des questions les plus importantes dans la religion de l'islam, il faut, après avoir eu la science, il faut l'appliquer cette science. Donc, celui qui a appris quelque chose de la religion, mais qu'il ne l'applique pas, alors il est dans le péché. Il s'est posé lui-même comme étant susceptible, donc, de recevoir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est mis lui-même dans un grand danger, dans une position très très dangereuse. Parce qu'il connaît des choses, il apprend des choses, mais il ne les applique pas. Et donc, il a imité un peu l'exemple des juifs et ceux qui leur ressemblent. Et donc, il y a comme conséquence à ça les plus grandes formes de menaces dans le Coran et dans la Sunna. Hein? Et même si vous avez lu, par exemple, le tafsir de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, de Surat al-Fatiha, et en particulier les derniers versets de Surat al-Fatiha, ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala al-dallin. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux sur qui tu as, hein, mis ta grâce, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, et non plus des égarés, non plus de chemin de ceux qui se sont égarés. Et quand vous retournez au tafsir, vous allez voir que l'imam Ibn Kathir, il mentionne les preuves à ce sujet-là, du fait que ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui ont eu la science, comme les juifs, mais qui ne l'ont pas appliquée. Et ceux qui ont dévié ou qui se sont égarés à Dalloun, ce sont qui? Ce sont les chrétiens. Parce qu'ils ont un manque de connaissances, ou bien ils ont des connaissances qui sont erronées et incomplètes ou falsifiées. Donc, à cause de ça, ils ont dévié du droit chemin. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils sont tombés dans l'adoration d'autres que Allah. Ils sont tombés dans plein de formes, différentes formes d'ignorance. Donc, le droit chemin, c'est quoi? Le droit chemin, c'est d'être dans l'équilibre entre ces deux extrêmes. D'être sur l'équilibre, c'est ça le droit chemin. D'avoir la science et d'avoir les actions avec. C'est ça le droit chemin. Maintenant, si tu as la science sans les actions, ça c'est pas correct. Et si tu as les actions sans la science, ça aussi c'est pas correct. Donc, d'être musulman, ça signifie d'être dans ce juste milieu-là. D'appliquer et de connaître en premier et d'appliquer ensuite. Et aussi, ça implique également d'être dans le juste milieu. C'est-à-dire de ne pas tomber dans l'extrémisme et de ne pas tomber dans le laxisme non plus. C'est pas comme si tu vas exagérer, tu rajoutes dans la religion d'Allah des choses, hein, tu te rends la religion trop difficile en exagérant dans les ordres et dans les obligations. Ça, c'est pas bon. Et non plus, c'est pas de tomber dans le laxisme du fait que tu vas commencer à négliger la religion, laisser tomber les choses obligatoires, suivre tous tes désirs et tes passions et commencer à te permettre tout ce que tu veux faire. Ça, c'est l'autre extrême. Donc, le musulman, il est entre les deux. Ni d'un côté, ni dans l'autre. Et d'être dans le juste milieu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu appliques le Coran et la Sunna selon l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a enseigné et selon l'exemple de ses compagnons, le Khulafa al-Rashidin, les quatre successeurs bien guidés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu comprends les textes du Coran et de la Sunna selon comment eux les ont compris. Et là, dans ce cas-là, tu es dans le juste milieu. Et tu es sur la droiture et tu es dans la modération. La modération, c'est pas comme certains ils essaient de l'interpréter aujourd'hui, de pratiquer la religion selon ce qui satisfait les kuffars, ce qui satisfait les non-croyants. Eux, si tu écoutes leur définition d'un musulman modéré, ils vont te dire un musulman modéré, c'est quelqu'un qui fait pas la prière, qui mange du porc, qui boit de l'alcool et qui vit comme nous et qui fait comme nous. Pour eux, c'est ça un musulman modéré. Lui, on l'aime. On aime cette sorte de musulmans-là qui ne respectent pas l'islam, qui prennent la religion comme juste une carte d'identité. Et que ça s'arrête là. Moi, mes parents sont musulmans, et puis ça s'arrête là. Non, l'islam, ce n'est pas juste un mot que tu dis avec la bouche. Il faut que ce soit appliqué, il faut que ce soit réel. Donc, ce n'est pas défini par qu'est-ce que ces gens-là disent, et ce n'est pas non plus défini par les extrémistes qui veulent essayer de rendre la religion tellement difficile et tellement compliquée, ou bien même, parfois de faire sortir de l'islam toute personne qui contredit ou qui fait un péché, et par la suite de faire toutes sortes de choses qui sont exagérées dans la religion aussi, comme il y en a plein de différentes manifestations de ça à notre époque, comme les groupes de takfir ou les groupes de djihadi aujourd'hui qui appellent à déclarer mécréants les musulmans, puis à prendre les armes contre les dirigeants, puis à faire des attentats terroristes et des choses de ce genre, puis ils prétendent que ça c'est au nom de l'islam et que ça fait partie du djihad, alors que ça n'a rien à voir ni avec l'islam ni avec le djihad, et tout ça c'est des exemples de terrorisme et d'extrémisme qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc on n'est pas dans cet extrême là et on n'est pas dans l'autre. Et l'extrémisme, c'est pas juste dans qu'est-ce que je viens de mentionner parmi les exemples de ce qui est manifeste, mais c'est aussi l'extrémisme dans la croyance, comme l'extrémisme des chrétiens quand ils ont élevé Jésus au niveau de divinité, ils ont fait de lui un associé avec Allah dans l'adoration. Ça, c'est une forme d'extrémisme dans la religion aussi. Puis, l'autre extrême des chrétiens, l'autre extrême, par rapport aux chrétiens, l'extrême des juifs, qui ont rabaissé et dénigré Isa ibn Maryam, qui ont refusé de croire en lui, et qu'ils, non seulement ils n'ont pas cru que c'est un prophète d'Allah, mais qu'ils l'ont même accusé d'être le fils d'une relation extramaritale, et qu'il est né dans le haram, parce qu'il est né de manière miraculeuse. hein, il n'avait pas de père. Donc à cause de ça, les chrétiens ont fait de lui un dieu, et à cause de ça, les juifs ont refusé de croire et ils ont fait de lui un enfant illégitime. Donc nous les musulmans, on est dans le juste milieu dans cette question-là. On n'exagère pas à propos de Isa ibn Maryam en l'élevant au niveau d'une divinité, et on ne va pas non plus dans l'autre extrême de le rabaisser comme l'ont fait les Yahoud. On est dans entre les deux. On dit que c'est un prophète d'Allah, un des plus grands prophètes d'Allah, un des rapprochés d'Allah, mais on ne va pas tomber dans le shirk et commencer à l'adorer et à l'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et dans la croyance. Donc ça c'est un exemple aussi d'extrémisme, et il y en a beaucoup d'autres dans la pratique et dans la croyance et dans les paroles également. Donc le cheikh donc il dit qu'il faut donc justement ne pas ressembler à ces exemples là, comme l'exemple des juifs et l'exemple des chrétiens aussi. Et le cheikh il mentionne une parole qui est une parole d'entre les paroles de nos salafs, un d'entre eux qui s'appelait Soufyan ibn Uyayna, qui est un grand imam parmi les imams de Ahl Sunnah. Et Soufyan ibn Uyayna, si vous voulez savoir un peu son niveau dans la science et son degré, vous devez savoir que Soufyan ibn Uyayna fait partie des grands savants de hadith. Il était l'élève de Ibrahim al-Nakhai, hein, et il était, si on veut, l'équivalent de l'imam Malik à l'époque de l'imam Malik. C'était un des contemporains de l'imam Malik, rahimahullah. L'imam Malik était à Mecca et Soufyan ibn Uyayna, lui, il était le mufti de l'imam Malik était à Al-Madina et l'imam Soufyan ibn Uyayna était le mufti de Mecca à son époque. Si quelqu'un arrivait à Mecca, voulait une question dans la religion, voulait une fatwa dans la religion, on lui disait allez voir Soufyan. C'est lui le savant à la Mecque. Hein? Donc, c'est un des grands imams. Qu'est-ce qu'il a dit cet imam, parmi les imams des salafs? Il a dit, celui qui a été corrompu parmi nos savants, il a une ressemblance avec les juifs. Et celui qui a été corrompu parmi nos adorateurs, ceux qui font beaucoup d'adoration, il a une ressemblance avec les chrétiens. Hein? Puisque les chrétiens font beaucoup d'adoration, vous avez des exemples de ça. Les moines, hein, qui vivent dans des monastères, hein, même des sœurs, des religieuses qui vivent dans des monastères, elles ne sortent jamais. Elles passent leur journée, du matin jusqu'au soir, que à prier, que à adorer, faire des actes d'adoration, des jeûnes, hein, et ainsi de suite. Donc c'est des gens qui font beaucoup d'efforts dans l'adoration. Vous avez des gens, par exemple, ici à Montréal, qui vont à l'oratoire Saint-Joseph chaque dimanche. Ils montent les escaliers à genoux. Hein? Ils montent les escaliers à genoux. À chaque escalier, ils récitent un chapelet. Je vous salue Marie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein? Qu'est-ce que vous allez dire de ça? Hein? Ah, ils font beaucoup d'efforts. Sauf que c'est des efforts qu'ils font pour rien, puisqu'ils ne sont pas basés sur le tawhid et l'unicité d'Allah. Leur croyance, elle n'est pas valable. Et donc, à cause de ça, ils se fatiguent inutilement. Et c'est pour ça que c'est important de les appeler à l'islam et de leur faire comprendre que toutes nos œuvres, si elles ne sont pas basées sur la foi en un Dieu unique, et si nos actes d'adoration ne sont pas voués uniquement à notre Créateur et à Allah seul, elles n'auront aucune valeur, ces actes d'adoration-là. Donc ce n'est pas juste de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adoration, mais c'est de faire des adorations qui sont basées sur une foi qui est valable et correcte. Non. Barakallahu fik. Bon. En ce qui concerne le verdict dans la dunya par rapport aux chrétiens et aux juifs, si ils n'ont pas cru en l'islam, comme on l'a mentionné au dernier cours, et qu'ils meurent après avoir appris l'islam, on leur a expliqué qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est le tawhid, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça implique tout ça, et qu'ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas cru cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet qu'ils seront dans l'enfer, s'ils meurent comme ça. Maintenant, si une personne était complètement coupée de toute information, comme quelqu'un par exemple qui vit loin dans la jungle amazonienne, où il n'a jamais eu aucun contact avec le monde extérieur, il n'a jamais entendu parler ni du Coran, ni de l'islam, ni d'un prophète, hein, ceux-là font partie des gens qu'on appelle Ahlul Fatra, ok. Et les ulama ont dit ceux-là, cette catégorie-là, comme par exemple les gens qui sont qui n'ont pas de l'aql, ils n'ont pas la raison, hein, ceux-là ne sont pas mukallafoun. Et donc, ceux-là, au jour de la résurrection, ils sont excusés pour, par rapport à leur ignorance. Hein, on va dire d'eux que ce sont des mécréens dans la dunya puisqu'ils n'ont pas prononcé la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sauf qu'au jour de la résurrection, leur sort sera particulier. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les juger d'une façon particulière et va leur donner une épreuve spéciale, puis ils auront à répondre à cette réponse-là, puis s'ils répondent correctement, eh bien, ils seront au paradis, et sinon, ils seront en enfer. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. C'est-à-dire, on ne va pas punir des gens jusqu'à ce qu'on leur ait envoyé un messager. Donc, ceux qui n'ont pas reçu le message comme il faut, eh bien, ou bien ceux qui n'ont pas reçu le message du tout, eh bien, ceux-là, ils seront jugés de façon particulière. D'accord ? Ils auront un sort particulier. Naam, exactement. Donc, c'est ça. Allah subhanahu wa ta'ala va leur envoyer quelqu'un qui va leur ordonner de faire quelque chose. Comme par exemple, dans une narration, c'est mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à ces gens, va envoyer à ces gens-là un messager pour leur dire, par exemple, de rentrer dans un feu. Ceux qui vont rentrer vont être sauvés et ceux qui vont refuser vont aller en enfer. Donc ça c'est un exemple d'une narration qui est mentionnée à ce sujet-là. Ça c'est pour dire que ils auront leur test et leur épreuve, ceux-là. Donc ça c'est à ce sujet. Donc de toute façon, il faut pas s'inquiéter pour eux puisque Allah il est juste et Allah subhanahu wa ta'ala il est sage. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné qu'il allait avoir des croyants, qu'il allait avoir des non-croyants, et qu'il allait avoir ce combat entre les gens de la vérité et les gens du faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui arrive, c'est par sa sagesse et par sa prédestinée. Et donc, il faut juste mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est certain aussi que les chrétiens et les juifs ou les autres, les bouddhistes ou les athées ou les hindous ou les autres religions, ils ont tous, en tant que du moment qu'ils sont des êtres humains et qu'ils ont la raison, la responsabilité de chercher la vérité et de faire des efforts pour la découvrir. C'est pas juste tu dis ça y est, moi je suis né dans cette religion ou dans cette famille, donc je reste comme ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, si vous observez, il a mis des êtres humains dans différents contextes. Il y en a, il les a fait naître dans une famille chrétienne. D'autres, il les a fait naître dans une famille hindoue. D'autres, il les a fait naître dans une famille bouddhiste. Et même à l'intérieur des familles musulmanes, certains sont nés dans une famille pratiquante, très pieuse, parmi les savants. Et d'autres sont nés dans des familles ignorantes, ou bien qui sont négligents, qui ne pratiquent pas la religion. Certains sont nés dans des sectes, qui se disent musulmanes parfois, ils ne sont pas vraiment nécessairement musulmans. Hein? Comme par exemple, il y en a qui sont nés dans des familles shia, rafida, ils adorent les morts, ils prient les tombes, ils insultent les sahaba, des exemples comme ça. Hein? Donc, chacun, il a son test. Ça veut dire, quand tu nais dans ce contexte-là, tu ne peux pas juste dire, ça y est, moi je suis là, je reste comme ça. Non, tu as la raison, il y a le Coran devant toi, il y a la sunna devant toi, il y a les révélations. Tu dois rechercher, tu dois faire des efforts pour connaître où est-ce qu'il est le haqq. Et où est-ce qu'il est la différence entre le haqq et le batil. Allah t'a donné la raison. Hein? Donc cherche, fais des efforts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es sincère, il va te guider à la vérité. Mais si tu restes comme ça, puis tu suis tes passions, puis tu te détournes, et on vit dans une société malheureusement qui appelle les hommes à la distraction et au divertissement, et qui essaie de tout faire pour détourner l'homme, de se poser les vraies questions, pourquoi j'existe, c'est quoi le but de cette vie, c'est quoi le but de mon existence, hein? Il y a tout autour de toi pour te tourner la tête de ces questions-là. Hein? Les divertissements, la musique, les sorties, les cinémas, plein de trucs que tu regardes quand tu grandis autour de ça, tu vois que c'est fait exprès pour te faire oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a un vide spirituel dans cette société. Hein? Et donc, il faut combattre ça et se poser les questions. Et moi, juste pour donner un exemple par rapport à moi, qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais tout jeune, hein? Et puis, je me disais, mais comment je peux penser à autre chose alors que j'ai même pas encore compris mais pourquoi je suis venu au monde. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre? Et pourquoi tout ce qui existe autour de moi est là? Est-ce que je suis juste venu comme ça, apparu par hasard? Non, il faut qu'il y ait une raison pourquoi j'existe, pourquoi Allah m'a créé. Et donc, je ne peux pas me reposer, je ne peux pas m'amuser, je ne peux pas penser à d'autres choses tant que je n'ai pas, premièrement, trouvé et compris pourquoi j'existe, pourquoi Allah m'a créé. Après, je pourrai profiter d'autres choses et faire d'autres choses aussi. Mais avant ça, non. Puisque je suis né, je vis, tout le monde vit, on est tous là, on est né nu, on est tous sortis du ventre de notre mère, on était nu, on était ignorant, puis on grandit, puis on voit le ciel, on voit les étoiles, on voit les arbres, on voit le monde autour de nous, puis on se pose pas de questions, on vit comme des animaux, on mange, on dort, on se reproduit, puis après ça on meurt. Non, on n'est pas comme des animaux. Allah, il nous a élevés du niveau de l'animal en nous donnant une raison pour nous pousser à poser des questions, à réfléchir, à essayer de... On est capable de prendre un livre et le lire. Tu prends un animal, tu lui lis un livre ou tu lui donnes le livre, il va rien faire avec. Le hadith, oui, c'est un hadith authentique que tu dis. C'est un hadith du professeur Hassim qui explique que cette communauté va se diviser en 73 sectes, de la même manière que les juifs et les chrétiens auparavant se sont divisés aussi. Donc, pourquoi? Parce que après chaque prophète, il y a eu des gens qui sont venus pour essayer de déformer la réalité de son message. Moïse, alayhi salam, il est venu, et après lui, il y a des gens qui sont venus essayer de changer sa religion, rajouter des choses ou enlever des choses. Donc, ça a créé des sectes. Exactement. Donc, chez les chrétiens, la même chose. Isa ibn Maryam, alayhi salam, il a enseigné la religion aux hommes. Après Isa, des gens sont venus, ils ont essayé de changer son message, rajouter et enlever. Ça a créé des sectes. Protestants, baptistes, adventistes, pentecôtistes, méthodistes, témoins de Jéhovah, mormons, yani, orthodoxes, et ainsi de suite. Il y a plein de différentes sectes chez les chrétiens. Chez les juifs, la même chose. Et donc, chez les musulmans, c'est la même chose aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui sont venus après essayer d'ajouter des choses, essayer d'enlever des choses. Et un des premiers parmi ceux qui ont essayé de changer la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un dénommé Abdullah ibn Saba, un juif du Yémen, qui a fait semblant de se convertir à l'islam, et puis il a commencé à... Exactement. C'est lui qui a inventé la religion qu'on appelle la religion des chiites aujourd'hui. Les chiites, les rafidas. C'est un juif du Yémen, qui s'appelait Abdullah ibn Saba, et c'est lui qui a infiltré la religion pour créer des divisions entre les musulmans. Et c'est la première secte qui est apparue. Et il y a eu la secte des Khawarij après, et il y a eu la secte des Qadariyah, ceux qui nient la prédestination. Et il y a eu la secte ensuite des Mu'tazila, des Jahmiyyah, qui nient les attributs d'Allah, et qui nient la prédestination aussi, et des Mu'tazila par la suite. Et après ça, il y en a eu d'autres, et d'autres, et d'autres. Exactement. Vous voyez, donc, les sectes, c'est comme des bactéries. Au début, il y a une cellule, et puis elle se multiplie, chaque cellule se divise en deux. Puis chaque deux se divise en deux encore. Puis chaque deux en deux, en deux, en deux, en deux. Puis ça finit plus. Eh bien, c'est ça qui arrive. Les chiites, ils sont apparus. Après, les chiites entre eux se sont divisés. Et après, chaque division en fait une autre division, puis ça finit plus après. Ça devient, après, des centaines de sectes. La solution, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée. C'est de suivre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a suivi et ses compagnons. Et de suivre l'exemple des Khulafa ar-Rashidin. De s'accrocher à la sunna et la sunna des Khulafa ar-Rashidin comme il a mentionné. Et ça c'est dans les livres d'histoire et même les chiites eux-mêmes ils reconnaissent ça. Ils sont tous d'accord avec ça. Et donc on en reparlera inchallah parce qu'on va en parler peut-être dans les cours qui vont venir dans la on va parler de ces sujets-là plus en détail, mais ça c'est juste pour faire comprendre qu'il faut pas s'étonner de ça. Il y en a des gens qui pensent que ça c'est une faute ou que c'est une faiblesse dans l'islam, qu'il y a des sectes. Non. Il y a des gens parmi les musulmans qui sont sur le haq, qui cherchent la vérité, qui s'accrochent au Coran et à la Sunna comme il faut, et il y a des gens qui vont essayer de dévier, qui vont essayer de rajouter. Puis des fois aussi, comme le cas d'Abdullah ibn Saba, c'est des sectes qui ont été créées intentionnellement. C'est-à-dire que c'est des gens qui rentrent de façon hypocrite dans l'islam pour inventer des choses pour diviser les gens dans les croyances. Ouais, pas juste une, plusieurs sourates. Donc, ça c'est très important. Ça c'est très important de comprendre toutes ces choses-là. Parce que quand l'islam a commencé à se propager et que les musulmans sont devenus plus forts militairement, eh bien, personne n'était capable d'affronter les musulmans. Personne n'était capable d'attaquer les musulmans de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme ruse? Ils ont utilisé l'infiltration. De s'infiltrer parmi les musulmans, puis de créer des divisions entre eux avec des différentes croyances et des différentes sectes. Et c'est ça qui a fait apparaître les différents groupes et les différentes sectes qu'on voit aujourd'hui. Hein? Donc, ça c'est le problème, puis la solution, comme le frère a mentionné tout à l'heure, c'est de revenir à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Si on s'accroche à ça, on va être sauvé, inshallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khazalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah wa hum 'ala dhalik. C'est-à-dire, il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux sur la vérité. Et ceux qui vont s'opposer à eux et ceux qui vont les abandonner ne vont rien leur faire comme tort. Et ils vont être comme ça jusqu'à l'heure du jugement dernier. Donc il y a toujours un groupe, même s'il y a des musulmans qui vont dévier, même s'il y en a qui vont se tromper, même s'il y en a qui vont faire des erreurs, il y en a toujours un qui va être sur le haqq. Et c'est celui qui s'accroche au Coran et à la Sunna et l'exemple des Sahaba. Et en même temps, quand on dit les 73 sectes, ça ne veut pas dire que les 72 qui vont en enfer sont tous mécréants ou que sont tous en dehors de l'islam. C'est pas ça que ça signifie. Ça signifie que ces 72 sectes sont menacées de l'enfer. Ça veut dire que certaines parmi ces sectes-là, peut-être que oui, elles sortent de l'islam parce qu'elles ont contredit dans un des fondements de la croyance islamique. Et dans ce cas-là, oui, ils quittent l'islam. Mais il y en a d'autres, non. Ils ont juste contredit des aspects de la religion qui font en sorte qu'ils sont menacés de l'enfer, mais ils peuvent être pardonnés par Allah si Allah veut, ou bien parfois même s'ils entrent en enfer, étant donné qu'ils n'ont pas commis de shirk, ils ne vont pas demeurer éternellement en enfer. Ils vont rester un certain temps, puis ensuite ils vont sortir de l'enfer pour entrer au paradis, pour être purifiés de ces péchés-là et de ces contradictions qu'ils ont faites. Hein? Donc il ne faut pas comprendre de ce hadith-là que toute secte est nécessairement en dehors de l'islam. Non, ce n'est pas le cas. Il y en a, oui, mais il y en a que ce n'est pas le cas. Hein? Donc ça, on y reviendra aussi de toute façon dans les cours futurs, inshallah. Ensuite, le cheikh il dit: « وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عِلْمًا نَافِعًا هِيَ التَّوْرَاةِ وَفِيهَا هُدًا وَنُورٍ فحرفوا وبدلوا لأنهم لا يريدون أن يعملوا بنصوص التوراة كما أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام ففسدوا واستحقوا من الله عز وجل الغضب فغضب الله عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا ومن علم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من علم الكتاب والسنة ثم لم يعمل به فقد تشبه بأولئك المغضوب عليهم وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم أي يستحق العقوبة كما استحق العقوبة عقوبة كل جان بحسب جريمته وبحسب جنايته على نفسه. Donc le cheikh ensuite il dit que pour comprendre cette parole de l'imam Soufyan ibn Uyayna, quand il parle que certains parmi les musulmans ressemblent aux juifs et d'autres ressemblent aux chrétiens, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala avait fait descendre sur les juifs la Torah, et dans cette Torah, dans la Torah, il y avait une science qui était bénéfique, il y avait une guidance et une lumière. Mais ils ont falsifié le message et ils ont changé la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne voulaient pas appliquer les textes de la Torah tels qu'ils étaient révélés par Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète Moussa alayhi salam. Donc, ils se sont hein, ils se sont égarés à cause de ça. Ils sont devenus corrompus et ils ont mérité la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah est en colère contre eux à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu la religion, mais ils n'ont pas appliqué. Et donc, ceux qui font partie de la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ont reçu une science du Coran et de la Sunna, mais qu'ils ne l'ont pas appliqué, alors ils ont une ressemblance avec ceux-là qui sont, hein, qui ont la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Dawood, il dit, quiconque ressemble à un peuple ou imite un peuple, il est un des leurs. Hein, quiconque imite un peuple ou ressemble à un peuple, il est un des leurs. C'est-à-dire qu'il mérite la même punition que qu'il mérite la même punition qu'eux. C'est-à-dire que toute personne, il aura un châtiment qui correspond à son crime. Parce que dans le fait de ressembler à ces gens-là, il y a des degrés. Et ça, c'est important de le comprendre. Le plus grave et le plus dangereux dans le fait de ressembler aux juifs ou aux chrétiens ou aux autres mécréants, c'est de leur ressembler premièrement dans la croyance. Hein? Dans la croyance et dans la pratique religieuse. Si tu leur ressembles dans leur croyance, comme tu pratiques par exemple du shirk, tu adores autre que Allah, tu prends des intermédiaires ou des intercesseurs entre toi et Allah, ça c'est de leur ressembler dans le shirk. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu vas être comme eux, c'est dans le sens que tu as commis le shirk comme eux, donc tu vas être comme eux dans le shirk. Tu leur ressembles, donc tu es un des leurs. Si ta ressemblance c'est dans des choses qui sont haram, hein, tu les imites dans des aspects de la vie, des choses que Allah a interdites, tu les fais comme eux, là, dans ce cas-là, ton péché, c'est tu leur ressembles dans le haram. Donc, tu ne vas pas être mécréant, sauf que tu vas être dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es sous la menace du châtiment d'Allah. Et si tu leur ressembles dans d'autres choses, même si ce n'est pas nécessairement des choses haram, mais ça peut être, par exemple, des choses qui sont détestables, hein, des choses qui sont makrouh. Hein, c'est pas haram, mais c'est détestable. Mais dans ce cas-là, tu le ressens dans ce qui est détestable, et ainsi de suite. Hein? Donc, selon le degré, tu auras le châtiment de ça. Donc, il faut pas comprendre automatiquement, comme certains, par exemple, qui ont mal compris la religion, ils sont tombés dans l'extrémisme, et ils pensent que toute personne qui ressemble aux juifs et aux chrétiens dans n'importe quelle chose, peu importe que ce soit petit ou grand, ils disent, ah, tu es dans un des leurs, ça veut dire que tu es mécréant. Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça dépend le degré et le niveau de dans la chose dans laquelle tu leur ressembles et que tu les imites. Ensuite, le cheikh il dit « Izan, falwajibu an yutbi'a al-muslimu al-amala bil-ilm, an yutbi'a al-muslimu al-ilma bil-amal. Kullama faqiha mas'alatan min masa'il dini l'islam, amila biha. Amila biha. ليكسب الأجر الوفير ويؤدي الفرائض ويؤدي الواجبات ويستبعد عن المحرمات كل ذلك عمل كل ذلك عمل سببه العلم فالعلم مفتاح للبر وباب لكل خير ومن حرم العلم حرم الخير كله لأن الله عز وجل أرسل الرسل بالعلم وأنزل الكتب بالعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Qu'est-ce qu'il dit ? Ici, le cheikh, il dit donc que le musulman doit faire suivre la science par l'action. Et chaque fois que tu as compris quelque chose de la religion, de l'islam, tu dois l'appliquer. Tu dois faire ton effort pour essayer de l'appliquer, selon ta capacité. Hein? Et si tu fais ça, tu auras donc une grande récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas appliquer les choses qui sont obligatoires, tu vas mettre en application les choses que Allah t'ordonne, et tu t'écartes de ce que Allah t'a interdit, et tout ça c'est basé sur la science que tu as appris. Tu ne vas pas pratiquer ta religion sans avoir appris en premier. Tu dois avoir la science, ensuite tu l'appliques. Donc, le cheikh, il dit, La science, c'est la clé pour le bien. La science, c'est la clé qui t'ouvre la porte du bien. Hein? Et sans science, il n'y a pas de bien du tout. Hein? Il n'y a pas de bien. Sans la science, il n'y a pas de bien. Et même un des grands savants, et en même temps c'était un des grands khulafa de l'islam, il a dit, c'était Omar ibn Abdul Aziz, il a dit, « Man abad Allah ala jahlin, kama yufsiduhu aktharu mimma yuslih. » C'est-à-dire, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance, il fait plus de mal que de bien. Hein? S'il fait un bien, c'est par hasard. Parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. Il ne sait même pas ce qu'il fait, si Allah aime ou non. Ça, c'est pas correct. Hein? Et c'est comme, par exemple, quelqu'un qui veut faire une opération chirurgicale, il n'a pas étudié la médecine. Il risque de tuer quelqu'un. Hein? Et s'il tue quelqu'un, il est responsable. Même dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se présente comme médecin, il n'a pas étudié la médecine, eh bien, il est responsable de qu'est-ce qu'il fait comme mal. Hein? Toutefois, s'il a... Hein, ça, c'est un exemple que je donne pour faire comprendre que la science, c'est fondamental et c'est nécessaire pour adorer Allah et pour connaître Allah et pour tout ce que tu veux appliquer dans la religion, comment faire ta salat, comment faire ton wudu, comment faire ton jeûne, comment faire ton hajj, comment faire ta umrah, comment faire ta zakat, comment faire, hein, et en premier tout, comment connaître ton tawhid, connaître Allah, connaître ta aqida, ta croyance. Tout ça, c'est fondamental. Si t'as pas ça, tu pratiques pas correctement. T'es pas encore en train d'appliquer l'islam. Donc, le cheikh, il dit, celui qui a été privé de la science, il a été privé de tout bien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers avec la science. Et il a fait descendre ses livres avec la science. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que les ulama, les savants, sont les héritiers des prophètes. Les savants de l'islam sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé de l'argent, des dinars et des dirhams en héritage. C'est pas ça qu'ils ont laissé comme héritage. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils ont laissé la science. Hein? وَالرَّسُّ الْعِلْمِ الدِّنَارُ وَالدِّرْهَمُ Ce sont des monnaies. Hein? Ce sont de l'argent. On appelait l'argent de cette façon-là à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et encore aujourd'hui dans certains pays. Donc, ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Il n'a pas laissé de l'argent, il a laissé l'ilm. Alors celui qui prend cette science, alors il a pris la plus grande part, la plus importante de toutes les parts. C'est cet héritage prophétique qui est la science. Après, le cheikh il dit donc, غير أن العلم الذي يثمر العمل الصالح لا يحصل للإنسان من ذكر وأنثى إلا إذا بذلت الجهود في تحصيله وصحة النية فيه واهتم به المسلمون والمسلمات وبذلوا جهودهم فعلى قدر بذل الجهد يحصل العلم ويكتسب. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que le musulman, s'il veut être capable de faire des actes et des bonnes œuvres et que ce soit quelque chose qui va porter des fruits, donc il faut, peu importe qu'il soit un homme ou une femme, il faut qu'il fasse des efforts pour obtenir cette science. Il faut faire des efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, إنما العلم بالتعلم. La science, ça vient uniquement par l'étude, par l'apprentissage. La science, ça vient pas juste comme ça, tu restes assis dans la mosquée, hein, tu fais le dhikr et puis tu as la science qui tombe sur toi. Non. Comme certains pensent, parmi les soufiyines, ils pensent juste tu fais des azkar, beaucoup, hein, puis après Allah il te donne la science tout d'un coup comme ça. Non, c'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama al-ilmu bit-ta'allum. Et les sahaba, ils ont appris la science du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il les a pas juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait pas juste toucher les sahaba puis ils devenaient des savants automatiques. Hein? Comme certains aujourd'hui qui prétendent ça. Le cheikh, il te touche, ça y est, tu deviens un savant. Il te touche, tu deviens un wali. Non, c'est pas comme ça. Le ilm, c'est avec l'étude et l'apprentissage. Et al-wilaya, de devenir un wali, c'est avec l'effort et la pratique de la religion et avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la science. Hein? Alors, inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru et qui ont craint Allah, ce sont eux les awliya d'Allah. C'est pas juste quelque chose que tu prétends comme ça, puis tu deviens wali. Non. C'est pas quelque chose que tu es là comme un héritage. Hein, ça se transmet de père en fils. Ton père est un wali, tu deviens un wali toi aussi. Hein? Ah, oh, moi je te donne la wila et ça y est. Non. Ça se transmet avec, ça se transmet pas par les liens de parenté ou de sang, ça se transmet avec l'effort que tu fais. Avec ta foi et avec ta croyance et tes efforts personnels. Il y en a qui disent, ah, oh, mon grand-père était un grand cheikh, un grand imam. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça qui définit ce que tu es. En arabe, on dit, laysa al-fata man yaqulu kana abi, walakinahu man yaqulu ha anaza. L'homme, c'est pas celui qui dit, mon père était, mais c'est celui qui dit, voici ce que je suis moi. Hein? Voici ce que j'ai fait. C'est ça qui te fait devenir ce que tu es. Et ceux qui ont été grands dans le passé, ils ont uniquement été grands à cause des efforts qu'ils ont faits dans la science et dans l'application de la religion d'Allah. Et plus la personne fait des efforts, plus Allah l'élève. Hein? Donc c'est comme ça. Et il y a une parole comme ça, justement une anecdote à ce sujet. Bon, peut-être que je vous la raconterai une autre fois. Inch'Allah, vous allez voir que Inch'Allah, c'est très intéressant. Inch'Allah, à propos justement du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il élève qui il veut. Et celui qui fait l'effort, Allah lui donne. Hein, le tawfiq. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Donc, toute personne, il doit faire des efforts. Et s'il a la bonne intention, qu'il fait des efforts sérieux, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la ilm. Hein? Et donc, c'est quelque chose que les musulmans, hommes et femmes, ils doivent faire beaucoup d'efforts pour arriver à obtenir cette science. Parce que, à notre époque aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont négligé la science de l'islam. Tout le monde veut devenir médecin, tout le monde veut devenir ingénieur, tout le monde veut devenir docteur, tout le monde veut devenir, hein, des grandes professions. Mais devenir savant de l'islam, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des efforts pour ça. Alors qu'il y a des hommes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette ni'ma, cette grâce. Ils ont passé 40 ans de leur vie, 50 ans de leur vie, 60 ans de leur vie à étudier que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, c'est des gens comme ça de qui on doit prendre notre science. C'est vers ces gens-là qu'on doit retourner pour comprendre notre religion. Hein? Comme le cheikh qui a écrit ce livre, par exemple, qui a passé, hein, plus que 60 ans de sa vie juste pour étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et connaître les règles de l'islam. Hein? Donc, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, là, tu regardes les jeunes. Hein? Dites-vous aujourd'hui, là, que vous êtes jeunes, profitez. Profitez du temps que vous avez. Parce que dans quelques années, vous allez avoir une femme, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir des responsabilités, vous n'allez plus avoir du temps pour étudier comme vous voulez. Maintenant, vous avez beaucoup de temps libre. Profitez de ça. Profitez de ce temps que vous avez maintenant pour essayer de chercher la science. Et même si vous êtes capable de voyager pour aller dans les pays musulmans où il y a des savants de l'islam, faites l'effort et allez étudier. Vous n'allez pas le regretter plus tard. Plus tard, au contraire, vous allez remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez dire, Alhamdulillah, j'ai sacrifié un peu de ma vie, un peu de mon temps pour apprendre ma religion aujourd'hui. Alhamdulillah, je profite de ça. Malheureusement, les jeunes, parfois, ils ne profitent pas de cette occasion-là et ils font d'autres choses et puis après, hein, Allah musta'an. C'est pas pour dire qu'on ne doit pas étudier, quelqu'un ne peut pas devenir médecin ou quelqu'un ne peut pas devenir ingénieur, c'est pas interdit, au contraire, c'est bien de faire ça, hein, quand c'est nécessaire. Mais en même temps, il y a des priorités. Chaque musulman, il y a des choses de base qu'il doit connaître et qu'il ne peut pas ignorer. Et il faut ça, le connaître, hein, avant de donner priorité à d'autres choses. Hein? Donc, ça, c'est parfois ça le problème. Et souvent, les jeunes maintenant, ici surtout au Québec, les parents, ils les poussent vers les études et tout, et ils donnent la priorité à ça. Ils s'en foutent. Est-ce que son fils va devenir kafir ou mushrik ou quoi? C'est pas grave. L'important, tu arrives avec le diplôme, à la maison, c'est ça qu'il faut. Après, tu fais ce que tu veux. Tu suis la religion que tu veux, tu penses comme tu veux, tu crois en ce que tu veux. Ça, c'est pas l'attitude des parents musulmans. Les vrais parents musulmans, ils voient, première chose, ils veulent protéger la croyance de son enfant. Et ils veulent donner à son enfant les armes et les boucliers nécessaires de la connaissance pour se protéger dans sa croyance et dans sa pratique religieuse et dans sa religion quand il va dehors. Quand il va devant les gens qui sont athées ou qui sont chrétiens ou qui sont juifs ou qui sont d'autres religions, il connaît même pas sa religion, il s'en va dehors comme ça. Il connaît pas son tawhid, il connaît pas sa aqid, il connaît pas comment réfuter les shubuhat, les doutes et les ambiguïtés. Il va se perdre, il va s'égarer. Et beaucoup de jeunes maintenant, c'est ce qu'on constate. Ou bien sinon, même s'il pratique l'islam, il va se mélanger avec d'autres personnes qui ont des croyances de différentes sectes, et il va se tenir avec eux, commence à avoir des idées, commence à vouloir mettre des bombes à gauche et à droite, et à penser qu'il va défendre l'islam. Ou bien il va commencer à aller avec différentes turqs soufis, ou bien des choses comme ça, il rentre avec différentes sectes, et puis il commence à faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut donner à nos enfants la science de l'islam, et leur enseigner le Coran, leur enseigner la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur enseigner avant toute chose le tawhid et la aqida de l'islam, pour qu'ils soient par la suite armés de connaissances pour être capables d'affronter les différentes choses qu'ils vont y trouver sur leur chemin dans la société. Surtout dans la société qui n'est pas musulmane. Hein? Parce qu'on est en plein dedans là. Hein? Donc malheureusement, beaucoup de parents ils ont pris comme priorité uniquement la dunya. Que la dunya. Et la connaissance de la religion s'est passée à côté. Allah musta'an. Donc ça c'est très très important, inshallah. Et pour ensuite, également, si tu veux être capable de transmettre l'islam aux autres, ben il faut que tu l'aies appris toi-même. Faqid al-shay la yu'ti. Voilà, celui qui n'a pas, il ne peut pas donner. Donc apprends ta religion comme il faut, ton tawhid comme il faut. Tu veux appeler des chrétiens à l'islam. C'est pas juste par certains comme certains qui disent il faut avoir un bon khuluq. Oui, il faut avoir un bon khuluq, mais c'est pas tout. Hein? Combien de chrétiens ont des meilleurs khuluq que certains musulmans? Est-ce que ça veut dire que leur religion est vraie? Non. Hein? Même il y a des athées qui ne croient même pas en Dieu, ils ont un bon khuluq. Donc c'est pas suffisant juste le bon khuluq. Il faut être capable d'expliquer aux gens aussi c'est quoi la différence entre la vérité et le faux. Hein? Donc tu as un bon khuluq, un bon comportement, et en même temps tu rajoutes avec ça la bonne science et la bonne connaissance de l'islam. Hein? Et ça vient compléter le reste. Nourun ala nour, comme on dit, hein? Lumière sur lumière. Le cheikh il dit amma at-taqa'us wa ta'atu an-nafs fi shahawatiha wa fi lahwin wa ghafla hadha sabab min asbab al-hirman فالنفس كما وصفها الله أمارة بالسوء. Donc le cheikh il dit il ne faut pas faire preuve de paresse dans la science. Tout le monde aime suivre ses désirs, suivre ses passions, être insouciant, se divertir. Mais si tu suis cette voie-là, tu ne vas pas apprendre. Il faut faire des efforts. Les savants, ils disaient, yani, hein, quand j'étudiais en Arabie Saoudite, on restait assis dans la mosquée, étudier. Des fois, tu restes assis pendant une heure, deux heures, t'as mal aux jambes. Tu dis, ah, ça, c'est fatigant. Hein? On aime plutôt aller se reposer. Et quand on est en train de faire quelque chose de divertissement, on ne calcule pas les heures. Hein? On est capable de rester des heures, comme ça on ne se fatigue jamais. Mais quand c'est le temps de faire une adoration d'Allah, d'étudier la science, tout d'un coup on trouve ça lourd, on trouve ça difficile. Et l'âme, comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a décrit, elle est ammaratun bissou. Elle nous appelle parfois à faire le mal. Donc il ne faut pas obéir à son âme quand elle nous appelle à suivre nos désirs et à se laisser aller trop, parce que en faisant ça, yani, on n'avance pas dans notre religion. Le cheikh il dit fassalikuna طرق العلم الشريف هم الذين اختاروا لأنفسهم بعد فضل الله ومنته عليهم أشرف الطرق وخير الأعمال وأزكاها لأنه لا يملك لأحد لا يمكن لأحد أن يحسن عملا إلا إذا سبقه العلم والمراد به العلم الشرعي الموروث من الكتاب والسنة ومن حسن ومن ومن حسن حظ الأمة أن يجدوا من ينبههم على ذلك ويعينهم على ذلك ويضم جهده إلى جهودهم إما بالتعليم وإما بالدلالة على الخير والترغيب في هذا الفضل وفي هذا الشرف العظيم سابقا ولاحقا ويكفي فيه أن الله تبارك وتعالى أشاد بالعلم والعلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء الشيخ il a mentionné dans la note de bas de page en bas un hadith il dit يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة celui qui prend un chemin dans lequel il va obtenir une science de la religion d'Allah eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter par cette voie un chemin vers le paradis donc si tu veux entrer au paradis cherche la science de la religion hein parce que c'est la voie du paradis et le cheikh il dit donc ceux qui suivent ces voies cette voie yani, de cette noble science eh bien ceux qui suivent cette voie c'est ceux qui ont choisi hein, la plus noble de toutes les voies et la meilleure de toutes les actions et la plus pieuse de toutes les actions la quête de la science c'est une des plus grandes formes d'adoration une des meilleures d'entre les formes d'adoration hein Et même que dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis comme étant la partenaire du jihad, fi sabilillah, de la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat At-Tawbah, le verset, وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit, parce qu'après la bataille de Tabouk, alaykoum salam wa rahmatullah, dans la bataille de Tabouk, Allah il a éprouvé les croyants. Et il a distingué entre les croyants et les hypocrites. Après la bataille de Tabouk, tout le monde voulait sortir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset, il a dit non, que tout le monde ne sorte pas. Il faut qu'il y ait un groupe qui reste, qui apprenne la religion d'Allah, qui comprenne la religion d'Allah pour avertir les autres. Hein? Pour qu'il puisse faire attention. Donc, il a associé ça avec le djihad, les deux ensemble. Donc, la science, ça fait partie du djihad aussi. Hein? Et c'est la plus noble des voies. Et ça, c'est une grâce d'Allah et une faveur d'Allah qu'il fait à quelqu'un. Et pourquoi? Parce que personne ne peut faire une action correctement, excepté s'il l'a fait précéder par la science. C'est pas suffisant juste d'avoir des bonnes intentions. C'est pas suffisant juste d'avoir des bonnes intentions, de dire « Ah, je veux faire le bien. » Il faut que cette action-là soit en accord avec le Coran et la Sunna. Il y a beaucoup de gens, ils veulent faire le bien. Ils ont des bonnes intentions, mais ils font les choses incorrectement. Et ici, on a tendance à être très sentimental. Hein? On a tendance à être très sentimental et à se laisser aller avec les sentiments. « Ah, le frère, il veut faire le bien. Ah, la sœur, elle veut faire le bien. » Puis on se dit, ah ben c'est pas grave, laisse-le faire, c'est pas grave. Non, si tu vois ton frère qui fait quelque chose d'incorrect, c'est ton devoir de lui corriger de la bonne façon, avec sagesse. Mais il faut pas que tu le laisses dans l'erreur. Il faut que tu lui donnes la nasiha, le bon conseil. Par la suite, si elle accepte ou accepte pas, ça c'est Allah qui va juger. Mais toi, tu as fait ton devoir. D'accord? Ça c'est important. Donc, il faut vraiment faire attention et le fait de rappeler aux gens qu'il faut étudier et chercher la science, ça c'est fondamental. Et surtout à notre époque, et surtout à Montréal ici. Parce qu'il y a une négligence vraiment grande malheureusement sur ce plan-là. Les gens ils sont éloignés de la science et ils sont distraits par d'autres choses qui ne sont pas aussi importantes. Et pas aussi fondamental que la science, et en particulier la science de cette croyance, de cette aqidah de l'islam. Hein? Et parfois, il y en a d'autres qui obstruent le chemin de la science pour les autres. Et il y a qu'est-ce qu'on appelle ici à Montréal, souvent cette forme de, qu'est-ce qu'on appelle de hizbiyya, de mentalité de groupe, hein? De hizbiyya. Comme s'il faut que tu sois en accord avec nous et avec notre groupe, sinon hein, c'est pas correct. Donc si tu vois quelqu'un qui enseigne le Coran et la Sunna, hein, et que quelqu'un il te dit non, va pas l'écouter lui, hein, et écoute juste ceux qui sont dans notre groupe, ça y a un problème. Parce que la référence et la base, c'est que quelqu'un soit en accord avec le Coran et la Sunna, quelqu'un qui est sur le tawhid et qui a une bonne aqida et qui enseigne, hein, les enseignements de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, selon la compréhension des premiers musulmans, des sahabas et ceux qui les suivent, il faut pas empêcher les gens d'aller s'asseoir avec lui et dire aux gens non, il faut s'éloigner de lui. Mais quand tu vois des gens, par exemple, qui sont dans un groupe, comme par exemple Ikhwan Muslimoun, les frères musulmans, ou avec un autre groupe, Jamaat Tablir, hein, ils disent ah, va pas avec lui, lui là, il va te dire viens pas, hein, il va te dire fais pas ci, fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas que les gens apprennent leur religion comme il faut pour être capables de distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux. Hein? Ils veulent que les gens suivent leur passion. Et c'est ça le problème. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis on va continuer mercredi prochain, bi'ivnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته